La Coupe du Monde est presque finie, il ne reste plus que un match, ce sera demain, et ce sera donc la finale de cette Coupe du Monde qui nous donnera enfin le vainqueur, qui sera d'ailleurs le 8e vainqueur de l'histoire de la Coupe du Monde, comme ce sont les Pays-Bas et l'Espagne qui s'affrontent, et que ces deux équipes n'ont toujours pas remporté ce si prestigieux trophée, et n'ont toujours pas donc d'étoile sur leur maillot. Donc voilà, ce sera l'occasion pour une de ces deux équipes d'acquérir sa première étoile. Alors aujourd'hui, pour parler foot avec nous, dans un des derniers podcasts Football Red spécial Coupe du Monde, on accueille Baptiste de journalsport.press.com qui est comme tous les podcasts avec nous. Salut Baptiste. Salut Martine, salut Florian, salut à tous. Et donc aujourd'hui, pour la première fois, on a Florian donc du site ozibao.com. Alors Ozibao, c'est l'impertinence au service du sport pour des produits originaux en édition limitée. Voilà, c'est comme ça que le site Ozibao se décrit. Florian, bienvenue. Et si tu peux nous en dire donc un peu plus sur ce site qui fait office donc de boutique de maillots de football. Alors bonjour à tous, donc Ozibao est une boutique en ligne foot et vintage qui vend notamment donc une gamme de t-shirts graphiques, rock'n'roll et foot et aussi des maillots vintage, donc comme le vieux maillot du Brésil des années 70 ou les vieux maillots de Maradona. Et parallèlement à ça, on a un blog où on parle de foot, on va dire, de manière impertinente et décalée, à l'image des t-shirts que l'on propose sur notre site. Voilà. Donc il y a notamment un t-shirt assez sympa de Zidane et son célèbre coup de tête sur Materazzi ou la main de Dieu de Maradona. Et vous en avez donc sorti des nouveaux là, notamment sur le King Eric Cantona à Manchester United. On a sorti donc une nouvelle collection de 6 t-shirts pour la Coupe du Monde, avec des références à Maradona, à Valderrama et aussi donc à Eric Cantona. Ouais. Donc on va parler foot, la finale de la Coupe du Monde, la Coupe du Monde donc qui est presque finie. On connaît les deux finalistes. Ce sera donc l'Espagne et les Pays-Bas. Donc, comme j'ai dit, deux équipes qui n'ont toujours pas gagné la Coupe du Monde. Donc, ce sera une première pour l'un des deux. C'est d'ailleurs, je crois, la première finale aussi des Espagnols. Donc, on peut revenir un peu peut-être sur les parcours différents de ces deux équipes. On va parler tout d'abord de l'Espagne, peut-être avec Florian, parce que Florian aime beaucoup cette équipe d'Espagne. Donc, ça a commencé par un faux pas face à la Suisse. Puis deux victoires consécutives, une contre le Honduras, donc ça c'était pas très dur parce que le Honduras, voilà, on sait que c'est une équipe qui est quand même pas très bien classée niveau classement FIFA. Et après, une dernière victoire dans cette phase de poule contre le Chili où il a fallu quand même s'employer alors que le Chili était quand même réduit à 10. Et donc les Espagnols sont sortis vainqueurs 2-1. En 8e, ils ont sorti sur un score de 1-0 l'équipe de Cristiano Ronaldo, donc le Portugal. Et en quart, ils ont fait quand même un match, il faut le dire, peu convaincant contre le Paraguay, avant de faire presque une démonstration contre les Allemands. Alors Florian, comment tu analyses ce parcours qui les a menés jusqu'en finale de la Coupe du Monde 2010? Je pense que l'Espagne est montée en puissance à travers tous les matchs depuis le début. Et un peu à l'image de cette compétition qui a commencé vraiment sans rythme, la plupart des matchs avec pas beaucoup de rythme, mais on a vu les équipes européennes et les sélections qui ont des joueurs qui jouent en Europe dans les clubs sont arrivés fatigués cette Coupe du Monde. Donc l'Espagne est montée progressivement en puissance, en gardant toujours sa philosophie de jeu, mais avec une difficulté qui était surtout liée, je pense, au physique et à la présence de Torres devant, c'est que c'était une équipe qui jouait de façon très latérale et avait très peu de profondeur. Et finalement, au fil des matchs, avec le physique qui a commencé à monter dans cette équipe et avec les réaménagements tactiques qu'a fait Del Bosque, l'équipe a gagné en profondeur et du coup est devenue beaucoup plus efficace pour culminer sur le match contre l'Allemagne où finalement il n'y avait pas photo sur le match. On voit une équipe qui est quand même bien équilibrée avec vraiment peu de défauts et un banc qui permet à Del Bosque d'avoir une palette de choix qui permet de répondre à pas mal de difficultés que peut poser les autres équipes. Mais alors, j'ai une question quand même sur l'Espagne, parce que je suis d'accord que voilà, c'est une très bonne équipe. Ils ont fait, comme je l'ai dit, donc presque une démonstration face aux Allemands. Mais alors, sur leur jeu de passe, je crois que ça s'appelle le toqué en Espagne. Exactement, ouais. J'ai l'impression qu'il devient presque lénifiant, enfin. Je ne retrouve pas du tout le même que celui de 2008 où grâce à ce jeu de passe, justement, ils trouvaient les moyens pour accélérer le jeu dès qu'ils pouvaient, lancer des attaques dans la profondeur dès qu'ils pouvaient. Et là, j'ai l'impression que ça devient presque un peu ennuyant, lénifiant, qu'ils ont du mal quand même à trouver les opportunités, qu'ils doivent passer quatre fois par Sergio Ramos, par Capdevila, en même temps, ça passe par Xavi, ça revient un peu vers Casillas. Enfin, toi, quel est ton avis donc, sur ceci célèbre toqué? je pense que enfin l'Espagne du coup a des joueurs qui ont quand même des petits gabarits, même si on voit que enfin par rapport à l'Euro 2008 il y a Busquets qui a remplacé Senna, mais la différence c'est surtout par rapport à Torres qui a fait un super Euro 2008 et qui permettait vraiment être un point d'ancrage et qui permettait d'être un pivot dans cette équipe et pouvoir jouer en profondeur ensuite sur les côtés. Là, le fait que Torres soit pas dedans par rapport à son opération fait que ben, finalement, ce jeu de passe, oui, il peut paraître non efficace sur certains moments. Et on voit clairement que l'Espagne a marqué beaucoup moins de buts sur cette compétition que pendant l'Euro 2008. Bah, tu l'as dit, on a un peu le même point de vue sur le jeu espagnol qui est de moins en moins attrayant, mais l'entraîneur, c'est Del Bosque, et il est du genre à plutôt protéger l'arrière et après mettre son équipe vers l'avant. Donc, c'est pas très étonnant. Donc, Baptiste, justement, on va passer à la deuxième équipe, qui est les Pays-Bas. Donc, les Pays-Bas qui sont arrivés en finale, donc après un tour de poule quand même assez bien maîtrisé. Hein, ils gagnent contre le Danemark, ils font une victoire contre le Japon, etc. Ils terminent premier de leur groupe. Donc, après arrive le tableau élimination directe. Alors, en huitième de finale, ils rencontrent la Slovaquie qui sort d'un très bon match quand même. Ils gagnent 3-2. Ils éliminent les Italiens de la Coupe du Monde en phase de poule. Donc, ils étaient peut-être un peu fatigués de cette victoire. Mais c'est vrai qu'il n'y a presque pas eu de match. Enfin, les Hollandais ont dominé malgré le fait que les Slovaques sauvent l'honneur en toute fin de match. Mais bon, voilà, ils gagnent 2-1. En quart de finale, ils éliminent à la grande surprise générale le Brésil de Dunga. Après quand même une bonne mi-temps, une bonne deuxième mi-temps, faut le dire. Et donc en demi-finale, ils éliminent l'Uruguay 3-2 et ils sont donc propulsés en finale où ils rencontreront l'Espagne. Donc les avis sont quand même très mitigés sur cette équipe, Baptiste. Et d'ailleurs, beaucoup vont même jusqu'à dire que les Pays-Bas ne jouent presque plus au football, que le football qu'ils pratiquent n'est plus du tout alléchant. Notamment aussi que beaucoup de joueurs simulent, donc limite que c'est pas une équipe de tricheurs, etc. Et notamment, ils ont beaucoup en ligne de mire Arjen Robben. Mais bon, ça, on sait tous que c'est un peu son jeu et qu'il a un peu toujours été comme ça. Toi, quel est ton avis principal sur cette équipe ? Je pense que pour une fois dans les compétitions, on les voit depuis, on va dire sur six ans, c'est la première fois que je les vois être pas très impressionnants en phase de poule. On a l'impression qu'ils se réservent, qu'ils même ils trouvent pas forcément facilement la solution contre leur adversaire. Ils s'en sortent très bien dans un groupe qui aurait pu être compliqué, parce que quand on voit la forme du Japon, c'était pas très facile. Il faut pas oublier que contre le Danemark, il y a le but contre son camp du défenseur Poulsen qui débloque un peu la situation. Contre le Japon, c'est une frappe de Schneider avec une faute de main du gardien japonais. Contre le Cameroun, ils sont déjà qualifiés et ils déroulent contre une équipe qui est complètement à la perte et à l'abandon. Ils arrivent en huitième. Coup de chance, ils tombent contre la Slovaquie. C'est un des matchs les moins intéressants des huitièmes. Ils arrivent en quart. Et là, oui, il y a le gros truc, c'est de sortir le Brésil. Mais le Brésil, en fait, n'a pas été aussi impressionnant qu'on l'attendait. Et je trouve que la Hollande a joué le jeu contre le Brésil. Parce que si tu commences à jouer... C'est là qu'ils sont, très tricheurs, mais si tu commences à vouloir jouer techniquement avec le Brésil, tu poules. Ils ont joué techniquement, ils ont joué sur les contacts, ils ont rajouté des petites semelles. Ouais, ça fait partie du foot. Hein. Van Bommel, il est là aussi pour ça, lui au milieu. Il a fait très bien, il a pas fait de carton. En demi, ils se sont séparés de l'Uruguay. Bon, ils ont eu peur à la fin, mais il y a quand même une équipe, je trouve, une façon de jouer. C'est pas très séduisant, je suis d'accord, mais le foot se joue comme ça et la Hollande est à mon avis capable si bien de faire du jeu, on l'a vu contre l'Uruguay, que de faire déjouer son adversaire, on l'a vu contre le Brésil, et c'est pour ça que je pense qu'elle est très complète. Après je pense, c'est ça l'équipe, on a parlé ce matin, qu'il y a un gars dont on ne parle pas suffisamment, mais qui l'a et qui fait le plus gros du boulot, c'est Dirk Kuyt, qui fait le sale boulot, il est juste incroyable, il fait une superbe Coupe du Monde. C'est pas facile quand on sait qu'il vient de Liverpool avec une saison horrible et on n'a pas eu beaucoup de joueurs du championnat anglais qui ont brillé là sur la Coupe du Monde. Après, ce qu'il faut souligner, c'est la paire Robben-Schneider. C'est quand même la grosse paire de cette équipe. Et c'est ceux qui sont souvent à l'origine et à la finition de chaque but de leur équipe. Et je pense que le capitaine Van Bronckhorst, c'est quand même aussi à souligner parce que ça tient la route. Et même plus que ça, je trouve qu'il est quand même... J'ai l'impression qu'il est au-dessus dans une défense qui n'est pas forcément très très très bonne. Un gardien assez jeune, mais qui a du potentiel. Et donc voilà, il y a vraiment des joueurs. Van Bommel au milieu, j'en ai pas parlé, mais aussi un joueur très important. Après, c'est Van Persie qui est la grosse inconnue et la grosse faiblesse de cette équipe pour l'instant. Je pense qu'il aurait fallu on lui offre plus de ballons pour qu'il marque. C'est comme un peu en Torres, c'est les deux qui vont être de chaque côté. Il y en aura un qui un attaquant de avec une confiance plus que limite et plus que faible. Et je pense pas qu'ils vont briller durant cette finale, je sais pas, mais attention à Cuyt, et ça serait vraiment justice qu'il marque en finale. Qu'on le voit un peu plus, c'est que les gens reconnaissent que ce mec-là fait une Coupe du Monde énormissime. Mais cette équipe, vraiment, est une grande équipe de foot, je trouve. Mais je comprends que certaines personnes puissent ne pas aimer ce que fait la Hollande. C'est normal. On préfère voir jouer un Brésil que voir jouer une équipe qui casse un peu plus. Mais ça a été le jeu de l'Inter un petit peu durant la Ligue des Champions. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en sont plats à la fin. Donc ça existe dans le foot. Hein. Donc une équipe, ouais. Une... joue un jeu plus beau que ça. Je suis d'accord avec Baptiste hein, sur le fait que l'homme important pour cette finale pour les Pays-Bas c'est Cuyt, surtout qu'il va se retrouver du côté gauche, donc du côté de Sergio Ramos, et on voit que cette Espagne elle penche beaucoup à gauche pour l'instant sur les matchs, et quand elle est vraiment en difficulté elle va sur la droite sur Sergio Ramos pour essayer d'ouvrir un peu le jeu. Et là si Cuyt arrive à bloquer comme il le fait très bien les montées du latéral droit, je pense que ça peut être vraiment la clé de ce match-là, et ça permettrait à vraiment à cette équipe d'étouffer un peu le jeu espagnol. Donc Cuyt très bon. Il a d'ailleurs presque toute une page réservée sur lui dans l'équipe d'aujourd'hui, et l'équipe titre avec des qualités de battant, mais pas seulement. L'attaquant de Liverpool réalise une Coupe du Monde exceptionnelle. Donc c'est exactement ce que viennent de confirmer Baptiste et Florian. On va parler un peu plus tactique. Alors Florian, comme tu suis quand même pas mal cette équipe d'Espagne, est-ce que tu penses que Del Bosque va adopter un schéma tactique peut-être un peu différent, notamment pour contrôler le plus possible Robben et Schneider? Je pense pas. Je pense que il va rester sur la même composition d'équipe que contre les Allemands, dans le sens où vraiment les hommes en forme, c'est les joueurs qu'il a mis sur le terrain. Ensuite, il y a aussi, faut voir que la défense centrale des Pays-Bas est quand même un peu bancale. Matijen fait le boulot, mais je pense qu'Ettinga est pas forcément au niveau. Donc il faut vraiment un joueur qui pose problème à cette défense centrale, et je pense que Villa, en étant replacé dans l'axe, peut vraiment leur poser des problèmes. Et puis le fait de faire entrer un Torres ou voir Llorente à la fin du match donne vraiment une puissance qui permettrait à l'Espagne de bien terminer. Donc je pense qu'ils vont rester sur Pedro, qui a quand même bien dynamisé le couloir droit qui manquait un peu à l'Espagne. Même s'il a été un peu trop gourmand en fin de match. Oui, c'est clair qu'il rate il a la passe à faire qui est facile à la 80e minute. Mais bon, voilà, il est jeune, il a pris la place de Thierry Henry au Barça, il a mis pas mal de buts. Enfin, je pense que c'est vraiment le joueur qui peut un peu être le détonateur et jouer notamment en profondeur plus que des joueurs comme Iniesta ou Ravi qui vont du coup faire des passes un peu plus latérales, quoi. D'ailleurs, il risque d'avoir aussi un gros combat au milieu de terrain, parce que c'est là un des secteurs forts où les Espagnols installent le plus possible et le plus souvent leur jeu. Et je pense qu'il y aura notamment un duel assez intéressant entre Sergio Busquets, qui est un joueur barcelonais, et donc Van Bommel, qui est un joueur charismatique de cette équipe. Il va être mal, Van Bommel, hein, parce que Sergio Busquets, on a vu que c'est celui qui arrive aussi à faire des simulations parce que sur les contacts et qui réclame un carton, et souvent le carton sort derrière. Donc ça sera intéressant de voir. En même temps, Van Bommel est du genre à aussi... à faire entrer l'arbitre dans son jeu et à se débrouiller pour ne pas recevoir trop de cartons, parce que lui, il va charger. Mais oui, le milieu va être important. Je pense que, de toute façon, du côté de la Hollande, on va pas miser sur... le jeu de la Hollande ne démarre pas vraiment au milieu du milieu du terrain. C'est plutôt un milieu défensif, et ils utilisent beaucoup les ailes et ils utilisent beaucoup l'attaque pour en fait Schneider qui doit revenir un petit peu. Donc je pense pas qu'au milieu il y ait beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y a aussi le retour de De Jong, hein, qui était suspendu pour la demi-finale, qui va quand même bien apporter à cette équipe, parce que au niveau pour colmater les brèches, enfin il a quand même les jambes que Van Bommel n'a plus. Donc c'est vraiment le joueur aussi qui va bien apporter sur cette finale. D'ailleurs, j'ai trouvé les Pays-Bas plutôt sereins contre l'Uruguay, alors que ça aurait pu tomber dans l'idée que bon, c'est demi-finale contre l'Uruguay. On dirait que c'est une demi-finale facile, mais en fait, ça peut être un match piège. Je trouve qu'ils s'en sont vraiment bien sortis. L'Espagne a eu plus de balles contre l'Allemagne, alors que l'Allemagne n'a pas vraiment joué. Donc, ça va être intéressant. Je peux pas vraiment donner. Par contre, oui, pour revenir au milieu du terrain, je pense que l'Espagne ne va pas forcément utiliser la même tactique que contre l'Allemagne, où c'était beaucoup étouffé le milieu de terrain. Et on l'a vu, ils étaient très denses au milieu. Je pense qu'ils vont être un peu plus libres, en tout cas j'espère. Et il y aura le remplacement aussi de Villa qui va être important, parce qu'il avait été mis, je crois, dans l'axe hein, contre l'Allemagne. Je pense qu'il faut absolument remettre à gauche parce qu'il avait l'air, en tout cas, de plus s'y plaire. Et puis il y a un autre acteur aussi de cette finale qui sera important, c'est l'arbitre. Monsieur Webb. C'est l'arbitre anglais, je crois, donc Webb, ouais. qui est plus un arbitre qui l'a joué, donc ça c'est plutôt favorable à des joueurs comme Van Bommel, donc aussi qui sera pas trop tatillon, je pense, sur des petites fautes au milieu de terrain qui casse un peu le jeu espagnol. Donc d'ailleurs, pour information, les Hollandais se sont entraînés ce matin, et il y a d'ailleurs un rapport qui a été publié par l'AFP, et donc il y a plusieurs schémas tactiques qui ont été essayés. Il y a d'ailleurs le coach donc, de cette équipe des Pays-Bas et Schneider qui se sont entretenus longuement avec Van Persie au sujet de son positionnement. Il marque quand même qu'il a visiblement été demandé à ce dernier de décrocher de son poste d'avant de pointe pour reculer dans le jeu et libérer ainsi des espaces pour les ailiers Keïta et Robben. Vous pensez que ça peut être une bonne solution face aux Espagnols? Je pense que oui, parce qu'on l'a vu que étant attaquant de pointe tout seul, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu. Moi j'ai toujours eu l'impression de toute façon que Percy était plutôt un joueur qui aimait toucher le ballon et pas juste prendre la balle et frapper ou faire ce que Anelka aurait dû faire avec l'équipe de France. J'ai l'impression que c'est un peu la même situation pour lui que celle qu'a eu Anelka et que dans les deux cas le joueur ne s'y plaît pas. Mais là, Van Persie, lui, il a moins ouverte. Il a dit que bon, il allait jouer comme ça puisqu'on lui offrait une place de titulaire. Je pense que Huntelaar est plus dans ce rôle d'attaquant de pointe tout seul et que Van Persie devrait être plutôt en 9,5. Mais après, c'est le système de jeu des Pays-Bas qui n'est pas vraiment compatible avec ça. Mais justement, Baptiste, quand tu parles de Klaas Jan Huntelaar, justement, il y a un schéma qui a été testé ce matin avec donc ce joueur Huntelaar en pointe, Van Persie à gauche et donc au détriment de Kuyt. Mais comme on a dit que Kuyt faisait une Coupe du Monde extraordinaire, ça par contre, il ne faudrait pas le faire. Il faut absolument Kuyt joue ce match. Je pense que c'est une grosse erreur de ne pas mettre Kuyt. J'espère quand même que l'entraîneur, je pense, il s'en est rendu compte que c'était l'élément essentiel de l'équipe. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas vraiment ce qu'il fait comme boulot. C'est le genre de boulot qu'on ne voit pas beaucoup. Mais c'est parce qu'aussi, il est sur le côté gauche que souvent, les gens font plus attention à celui qui va marquer, celui qui va faire des dribbles. Et Kuyt, lui, fait un travail quand même énorme sur le côté gauche. Donc, je suis d'accord, c'est pas visible. En plus, ce n'est pas un gars qui est très médiatisé. Ça serait vraiment préjudiciable, en plus de se priver tout seul d'un gars comme ça, je comprends pas vraiment. Surtout que Huntelaar, sur les rentrées qu'il a fait dans la Coupe du Monde, notamment les dernières 20 minutes contre le Brésil, il a été catastrophique, il a mangé 2-3 occasions qui étaient vraiment toutes simples. Donc c'était typiquement le profil de joueur qu'il fallait pour cette équipe, de pivot pour pouvoir faire rentrer les ailiers, mais il a quasiment pas joué de la saison, donc il est pas physiquement, il est pas dedans du tout quoi. Ça lui a pas mal porté préjudice quand même d'être presque viré du Real Madrid et de rejoindre l'Inter Milan. Donc, comme tu dis, Florian, il a réalisé une saison absolument pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de ce joueur et d'ailleurs du prix que l'avait acheté Milan. Alors que c'est un joueur qui est très efficace, hein. La saison qu'il a fait au Real Madrid il y a 2 ans, il a joué, il est arrivé au Mercato, il a marqué une dizaine de buts. Donc c'est un joueur, il ne faut pas beaucoup d'occasions, on n'a pas l'impression qu'il est très rapide, qu'il est très bon de la tête, qu'il est très technique, mais c'est vraiment un tueur devant le but. Mais après, il faut qu'il ait, comme tous les joueurs, il faut du temps de jeu, et si on ne l'a pas, on n'est pas performant. Si on essaye un peu de se projeter dans l'après-Coupe du Monde, pour vous, le Ballon d'Or se trouve absolument dans une de ces deux équipes? Disons que je pense que oui, il est forcément en Espagne ou aux Pays-Bas. Le Ballon d'Or, c'est surtout aussi sur les titres. Ça, c'est quelque chose, c'est quasiment le point le plus important dans la pondération du classement et des votes. Donc on voit un gars comme Schneider qui s'y gagne la Coupe du Monde. Avec tout ce qu'il a gagné à l'Inter de Milan, je ne vois pas comment ça peut lui échapper. Quoi. Même si sur le talent, il y a d'autres joueurs qui ont plus de talent que lui. Ouais, Schneider est au-dessus. Je pense que Robben aura son petit rôle, mais je ne suis pas sûr parce que le problème, c'est qu'il aura un palmarès il va, s'il gagne la finale, il aura un palmarès qui sera grandiose. Il y a que lui, je crois, qui est capable hein, d'enchaîner la victoire en Ligue des Champions et la victoire en Coupe du Monde, et en plus d'avoir fait deux très belles saisons, que ça soit sur la Coupe du Monde, on va dire que c'est quand même une petite saison sur un mois où il a été génial, et celle en Ligue des Champions et en championnat, il fait triplé, donc c'est quand même imposant. J'ai vu que si je peux juste faire un parallèle, Panenka, le site avait sorti une liste de joueurs probables pour faire partie des choix pour le Ballon d'Or. Ils mettent dedans des gars comme Ozil. Baptiste. En fait, la liste qu'a sortie Panenka, justement, c'est une liste qui a été dévoilée ce matin par Adidas. Et Adidas, donc, qui récompense le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Et donc, c'était ça, cette liste qui a été donnée. C'est-à-dire, le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, c'est en partenariat donc, avec la FIFA. Et donc, y a, dans la liste, justement, que tu donnes, il y a notamment Mesut Ozil, Arjen Robben, Wesley Schneider. Mais justement, je voulais rebondir au sujet de cette liste, parce que c'est une liste donc essentiellement sur des joueurs qui sont censés avoir brillé dans cette Coupe du Monde, parce qu'on oublie totalement ce qui s'est passé dans la saison, et donc on se concentre uniquement sur les 4-5 matchs qu'ont pu faire certains joueurs dans cette Coupe du Monde. Et pourtant, dans cette liste, on retrouve Lionel Messi, qui aura, il faut le dire quand même, pas du tout fait une Coupe du Monde grandiose avec l'Argentine. Pour moi, c'est vrai que ça m'étonne un peu de le retrouver dans cette liste. Surtout que moi je pense que David Villa a aussi quelque chose à voir avec le Ballon d'Or, parce que bon, si c'est l'Espagne qui gagne avec tous les ballons qu'il aura à Barcelone pendant la première partie de saison, enfin ce qu'il faut voir aussi avec le Ballon d'Or, c'est que le vote il se fait je crois en octobre-novembre, donc s'il commence à claquer des buts et à marquer un peu les esprits et s'il finit meilleur buteur de la Coupe du Monde, je pense qu'il peut aussi l'avoir. David Villa, ouais, c'est sûrement celui qui peut jouer. Enfin, j'y ai jamais vraiment cru que surtout sur une saison, enfin sur une année où il y a la Coupe du Monde et où on fait aussi beaucoup d'attention forcément au début de l'année, je pense qu'ils prennent un peu moins en compte la fin de l'année, justement pour éviter d'être obnubilé par ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Donc, je pense que c'est Schneider qui sera sûrement sacré Ballon d'Or, et ça serait vraiment mérité. Et même si l'Espagne ne passe pas, d'après toi, enfin, même si l'Espagne gagne la Coupe du Monde. Même si l'Espagne gagne la Coupe du Monde, parce que tu ne veux pas rivaliser entre quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, pas quelqu'un qui arrive en finale de la Coupe du Monde, d'accord, mais qui a gagné la Ligue des Champions, qui a fait un triplé avec son club, quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde et qui est... C'est le palmarès qui est important pour le Ballon d'Or, donc c'est clair que... Et je pense que, enfin, moi, je dirais le Ballon d'Or de cœur, ça serait vraiment un type comme Ravi, qui est vraiment le maître à jouer de cette équipe espagnole, qui est le maître à jouer de Barcelone, et qui est vraiment le joueur clé, qui arrive vraiment à son apogée, et qui mériterait en tout cas d'avoir une place, une très bonne place au classement. Quoi. Ça c'est sûr, mais de toute façon, c'est le problème des joueurs comme Xavi et Iniesta, c'est-à-dire que comme ils sont pas des attaquants principaux, et ben c'est vrai que c'est même plus France Football, hein, parce qu'ils ont vendu leur Ballon d'Or à la FIFA, mais bon, le Ballon d'Or a plus l'habitude de récompenser des attaquants, c'est sûr, parce qu'ils mettent plein de buts, etc. Ce qui est un peu dommage. C'est vrai. Un des derniers à être récompensé en étant autre qu'attaquant, je crois que c'est Cannavaro, si je me souviens bien. Ouais, ouais. En 2006, ouais. En 2006, et surtout parce qu'il avait gagné la Coupe du Monde. Ouais, mais je suis toujours sceptique quand même sur le fait que Cannavaro ait remporté ce Ballon d'Or. Pour moi, un joueur par exemple comme... C'est justement parce qu'il avait gagné la Coupe du Monde. Ouais, mais pour moi par exemple, justement, un joueur comme Buffon en gardien, il aurait peut-être plus mérité que Cannavaro sur cette Coupe du Monde. Et surtout quand on voit quand même ce qui est devenu Cannavaro aujourd'hui. Bah, Cannavaro après a fait quelques bons matchs au Real Madrid, mais c'est vrai que lui, il a gagné que sur la Coupe du Monde. Quoi. Là, typiquement... Le jury de France Football à cette époque-là, ils ont regardé que les 7 matchs de Cannavaro et ils ont oublié tout ce qui s'est passé sur les autres matchs de la saison en 2006. Quoi. Donc oui, son Ballon d'Or était un peu usurpé. Ouais. Pour terminer le podcast, un pronostic sur le match, donc un pronostic sur le vainqueur de cette Coupe du Monde 2010, Espagne ou Pays-Bas. Baptiste, par exemple, pour commencer. Je dirais les Pays-Bas. Parce que Paul Le Poulpe a désigné l'Espagne. Hein. Ouais, donc moi je vais suivre Paul Le Poulpe, qui s'est pas trompé depuis le début de la Coupe du Monde, et qui, je crois qu'il a dit que c'était l'Allemagne hein, qui allait gagner la petite finale. Ouais. Qui allait gagner la petite finale. Donc, mais bon, voilà, je pense que ça va être surtout au niveau psychologique que ça va se jouer. Les Pays-Bas arrivent à faire déjouer le milieu espagnol, les Espagnols peuvent s'énerver rapidement et ça peut peut-être le faire pour les Oranges. Florian, merci beaucoup pour ta première intervention sur le podcast. Et donc, on invite tous les lecteurs et écouteurs des podcasts sous Blue-Red.com à se rendre sur le site ozibao.com où donc ils pourront acheter des t-shirts assez sympas et assez originaux sur le football. Donc, merci encore, Florian, pour ta participation. Merci à toi, Bertine. Baptiste, encore merci pour ta participation encore aujourd'hui. On se retrouve donc dimanche ou lundi pour un nouveau podcast. Ça parlera de la finale où ce sera même un de nos premiers bilans de la Coupe du Monde 2010. Merci encore à toi. Bah, y a pas de problème. Merci à tous d'avoir écouté le podcast et donc à bientôt. À bientôt. Thank you.